En Corée du Sud, selon la KBS, le président de mesures urgentes du Parti du Peuple, parti d'opposition, a critiqué le 7 courant lors de son discours au Parlement, les crimes de Park Geun-hye commis pendant la durée de son pouvoir.